la glace à la glace. Glace, boisson fraîche, café chaud. Chouchou, beignet, sandwich. J'ai été chercher mon matos. Voilà. Ouais, voilà, je marche avec vous. C'est bien. À la glace, à la glace. Glace, boisson fraîche, café chaud. Chouchou, beignet, sandwich. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un. Non. Ça va, c'est pas trop difficile. Je commence à les connaître. Tutut. À la glace, à la glace. Glace, boisson fraîche, café chaud. Chouchou, beignet, sandwich. Ah, Joseph, il fait chaud. Ça va, pas trop dur de pousser la carriole. C'est un peu... Aujourd'hui, c'est... Il fait chaud, hein. Ouais. C'est dur pour les os. Voilà, en radio on ne voit pas, mais il y a la mer d'un côté et puis tous les gens de l'autre. Hein? Enfin non, il y a quand même des gens dans la mer, des gens allongés. Il fait très chaud. Nous, on passe sur la frontière. Voilà, au milieu des deux. Vieux métier que celui-ci, non? Ouais. Ça fait 30 ans que je le fais. Ah ouais. Ça fait déjà pas mal de temps. Surtout l'été, alors, je suppose. Bah oui, en général, oui. Parce que je vois, là, il y a pas mal de jeunes qui circulent aussi, hein. Ouais. C'est la même maison, ouais. Non, c'est toutes les boîtes différentes, souvent les charrettes. Et ça trace, hein. Ouais, moi non, mais eux, oui. Moi, je commence à être vieux pour ce boulot. Ouais. Je suppose que vous ne faites pas que ça, durant l'année. Non, ça dépend. Ça dépend, des fois oui, des fois non. C'est pas évident, quoi. On a mal aux os, on a mal partout. Mais quoi, sur 30 ans, vous avez vu le métier... Vous voyez ce que je veux dire, sur 30 ans? Ouais, je l'ai vu évoluer, j'ai vu s'améliorer. Maintenant, les gens sont exigeants, il faut leur donner ce qu'ils demandent. Hein, c'est plus pareil qu'avant. Dans le temps, il suffisait qu'on passe avec des glaces et puis c'était bon. Puis on faisait que les glaces à l'époque, on faisait pas les beignets. Il y avait les marchands de beignets, les marchands de glaces, les marchands de chouchous. Puis petit à petit, eh ben, il a fallu qu'on se mette à vendre de plus en plus de trucs. À la société de consommation quelque part aussi. Ouais, hein. Ouais. Puis disons que si on n'a pas un article, ben. On loupe d'autres ventes, alors donc on est obligé d'avoir un peu tout, c'est pas évident. Ça pèse plus lourd la charrette. Ouais. Faut la pousser. Puis plus elle pèse lourd, plus on vieillit d'un autre côté alors. Mais c'est quand même un chouette métier dans le sens où vous êtes à l'air, non? Hein? Oh, puis bah, vous voyez des jolies filles. Oui, non? Bah, on les regarde pas. Hein. En passant. Ouf. Sans plus. En plus, on n'a pas le temps. Un peu blasé du boulot. Non, on est trop obsédé pour tirer sa journée, à peu près. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, parce qu'on ne gagne pas des 1000 et des 100, hein, on ne gagne pas grand-chose. Hein. Parfois, on a souvent des pertes aussi, des trucs comme ça. Hein, mais c'est pas une accident. Puis alors, il y a des fois, on passe dans un trou, on verse la charrette. Alors là, on a tout gagné. Ça, c'est le plan catastrophe, quoi. Ah oui, oui, oui, mais ça arrive, hein. Ça arrive. Voilà, je me rappelle la première fois que je suis arrivé. J'étais étonné par tous ces gens qui faisaient des trous. Je me suis dit, mais où ils vont, en Chine? Je comprenais pas pourquoi ils faisaient des trous. Des trous dans le sable. Je comprends toujours pas, d'ailleurs. Parfois, ça les amuse, tant mieux. Hein. Mais je crois qu'on les payerait pour le faire, qu'ils refuseraient. Mais je crois que faire des trous dans le sable, ça remonte à l'origine du monde, ça, hein. Vous croyez pas? Ouais, ouais, je sais pas si les hommes préhistoriques, ils étaient aussi cons quand même. Eux, ils avaient le feu qui pour leur vie, pour leur survie. Mais je pense pas qu'ils faisaient des trous pour rien. Non, moi, je sens, quand je vois ces scènes-là, c'est beaucoup les enfants qui le font, hein, c'est plus vraiment les adultes. Hein. Oui, oui, mais... C'est que ça doit remonter à quelque chose de nos racines, quoi, de... Oh bah oui, ça fait ça rappelle un peu les paysagistes et tout, mais puis alors ils se mettent dedans, ça leur fait leur cabane pour les gamins, hein, ça leur fait, c'est vrai que quelque part. C'est... Bah dans notre monde où on n'est plus trop dans la nature là, dans aseptisé, ouais. Dans les appartements, maisons, ça c'est un petit peu un retour à la matière comme ça. Ouais, non. Si on n'a pas oublié, parce que il y a beaucoup qu'on oublié. Moi je sais que vous mettriez pas mal de gens à l'heure actuelle dans la nature, puis vous leur direz démerdez-vous. Il y en a pas mal qui voudraient crever. Hein. Mmh. On n'a plus le réflexe de survie. Cette vague souvenir comme ça, par des trucs inconscients qui reviennent, alors hop, on fait un trou. D'ailleurs, on dit faire son trou. Ouais, c'est vrai. C'est bien. C'est vrai. Ça veut bien dire quelque chose. Ouais. No, no, no, no, no. pas, je sais pas, moi j'essaie de trouver les notes que tu fais toi en fait. Ouais, pour éviter les clés, ça, je sais pas. Si, c'est possible. Si. C'est ça, oui. Je me place tout devant. Voilà, ce qui est certain, c'est que on ne connaît pas demain. Dans le sens, on n'est pas devin. Le futur, on ne le connaît pas, on ne sait pas. Voilà. Maintenant, on peut faire des équations, des calculs mentaux, des mathématiques, dans le sens où, paraît-il, on nous annonce, que ce soit par le cinéma, documentaire, reportage et autres, que la nature, ça craint. Hein. Bon, ok, tout le monde n'a pas envie de discuter. Je comprends. Chacun, il n'y a pas une ou une seule bonne manière de voir le monde, c'est sûr. Mais quand même, notre époque, elle est particulière, quoi, dans le sens où il y a des drôles... c'est une drôle d'ambiance, quoi, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est une drôle d'ambiance. Et donc, dans cette ambiance, ben... soit on peut se dire que c'est la merde, vraiment, que ça craint, que il n'y a pas de demain, soit on peut se dire aussi que d'accord, on ne sait pas demain, mais quelque part, tant mieux, on n'a jamais été aussi à une époque de remise en question comme ça, assez totale sur les choses, sur la manière de voir le monde. Donc peut-être c'est peut-être propice aussi à un changement intéressant. Voilà. Maintenant, il n'y a aucune certitude de rien, tant mieux en même temps. Mais quand on bouge un peu, on se rend compte qu'il y a des gens qui se mettent de plus en plus ensemble, qu'il y a une solidarité comme ça qui se recrée, justement parce que l'incertitude de demain, parce que on ne sait pas demain, mais quitte à être cynique, à voir tout en noir et à s'en foutre de son voisin, ben on, profitons-en, en gros, si on n'en a plus pour longtemps, ben à vivre ça le mieux possible, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Fais-le toi. Non. Ah, voilà. On va se rater, tu le sais qu'on va se rater. C'est sûr, on va se rater mille et une fois. Yo les amis, c'est Big Flo et Oli. Est-ce que vous pouvez battre le record du monde de rapidité de rap ? On leur a dit non. Mais qu'on allait essayer. 1, 2, 3. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débat, des coups de poing de batte, des patates dans la tête, des bavures et des balles qui se perdent dans le bâtiment, c'est devenu banal, et des petits qui calent pour que d'aller à ce type de menu qu'on prend dans la bagarre, pour une histoire de paquets de cames, de femmes, tout le monde pète quand même, on peut de braquettes claquer dans une cave, demander de vider le sac pour quelques dollars. Tout le monde veut la baraque et la belle bagnole, taper des barres au balayard avec sa bande de potes dans cette époque, t'as pas de milliers de billets, des pommes, les poches pliées, t'es humilié, faut remonter la côte, que t'as tapé les pubs, tu oublies, malgré la poste, casser la porte, s'il y a des morts, c'est pas de ta faute, peu importe, t'es prêt à voter. Non! Non! Merde! Non, tu oh merde, pas la fin. Tu prenais pas tes propres textes, on était bien là, on était chaud. En plus, c'est chiant, je rigolais, ils m'ont mis toutes les tentatives, on s'est raté. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débat, des coups de poing, je suis plus. Des vidéos débat, des coups de poing, des battes, des patates dans la tête, des bavures, des balles qui se perdent dans le bâtiment. Je suis plus, la moustache qui frotte. T'es humilié, faut remonter la côte et qu'il a tapé le plus petit ouvrier, embarquer la porte, casser la porte, c'est des morts. S'il y a des morts, peu importe, t'es prêt à tout pour embarquer la cagnotte non-stop. Pour embarquer la cagnotte non-stop. La cagnotte. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos, des balles, des coups du poing, des battes, des patates dans la tête, des bavures, des balles qui se perdent dans le bâtiment, c'est devenu banal. Putain, je transpire. On doit être comme ça, c'est à l'image. Y a ce type de monde du balcon pendant la bagarre pour une histoire de paquet de caméras. On dirait moi quand je baisse ma meuf, yes. C'est un peu moins long. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos, des balles, des coups du poing, des battes, des patates dans la tête, des bavures, des balles qui se perdent dans le bâtiment, c'est devenu banal, des petits qui calent pour que d'aller. Y a ce type de monde du balcon pendant la bagarre pour une histoire de paquet de câbles, de femmes, tout le monde pète de câbles, de blagues, de claques dans une cave, demander de vider le sac pour qu'un tout de là. Tout le monde veut la baraque et la belle bagnole, taper des barres au balayard avec sa bande de potes dans cette époque, t'as pas de milliers de billets, t'es pauvre, les poches pliées, t'es humilié, faut remonter la côte. Qui t'a tapé le plus petit ou rien, braque à la porte, casse à la porte, si elle est morte, ce n'est pas de ta faute, peu importe, t'es prêt à tout pour embarquer la cagnotte. Non, stop. Oh oui. Ça va trop vite. Oh oui. L'important dans la vie, c'est pas les records, c'est ce que vous avez au fond du cœur. Dans tous les cas, on reste des ringards. Allez, ciao. Yes, ça. Micro ouvert. C'est Thomas, ton nom. Oui. Il me dit oui, on l'a entendu. Thomas, c'est Thomas. Thomas. Thomas. Voilà, on se rend compte parce que t'as, comme on dit, ça s'appelle un warm shower. C'est ouais. Comme ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est un warm shower ? Alors un warm shower, donc c'est un site anglophone, je pense, où les gens, en échange de réciprocité, vont dormir chez d'autres personnes gratuitement. Donc ça veut dire douche chaude. Donc on va se doucher chez un habitant, on va dormir chez un habitant. Certains proposent un emplacement pour dormir avec une tente, d'autres proposent un lit. Donc on fait des rencontres, c'est très sympathique. Voilà, c'est à peu près tout. Il y en a certains qui proposent aussi de faire un micro. C'est plus rare peut-être. Oui, c'est assez sympathique. C'était pas attendu pour moi. Bah alors l'idée alors de faire ce micro, c'est de... Parce que tu viens de loin, hein, t'es pas un warm shower, parce que ça existe sur le site. C'est-à-dire que des gens qui viennent de Bruxelles, d'Anvers, de Flandre. Non, moi c'est un voyage longue durée. Donc j'étais parti pour 6 mois maximum, de juin à décembre. Bon, il se trouve que j'ai un petit peu d'avance sur mon programme, donc je suis parti le 10 juin, là on est en août. Donc je fais un tour de France, là je me trouve actuellement en Belgique, donc je voulais dépasser un petit peu symboliquement pour arriver en Belgique. Donc je viens des Hautes-Pyrénées, j'habite donc les Hautes-Pyrénées, c'est les Pyrénées côte plus proches de l'Atlantique. Dans un petit village qui s'appelle Asté. Donc, en gros, il y a Tarbes qui est la préfecture de mon département, Lourdes qui est très connue voilà, pour le pèlerinage, le col du Tourmalet que j'ai aussi fait en vélo une fois, et le pic du Midi. Voilà, c'est à peu près les endroits les plus connus de mon département. Et donc, t'habites un petit patelin quoi, à la base. Oui. Alors, là, de combien d'habitants ? Là où j'habite, je pense, c'est entre 350 et 550 habitants, à peu près. Donc, c'est dans une vallée en Piémont, 650 mètres d'altitude. La vallée de Campan, ça s'appelle. Voilà, bon, rien de spécial dans ce village. La spécialité locale, ce serait le haricot tarbé, par exemple. Tarbé, ça veut dire ? Ça vient de Tarbes, donc c'est une plante locale, le haricot, quoi, qui pousse sur du maïs. Si j'en parle, c'est parce que j'aimerais bien en faire plus tard, en faire pousser d'ici l'année prochaine avec deux amis. Donc ce serait un projet professionnel sur du court terme, peut-être du moyen terme, pour se faire quelques sous. Toucher un petit peu au milieu agricole, se lancer quoi. Et se lancer où alors, là-bas dans ton patelin? Ben pour l'instant oui, pour l'instant les Pyrénées ça me plaît bien, il y a un bon climat, il pleut pas mal, il fait chaud, on a le climat océanique donc il gèle peu. Nous on a 2 semaines de neige par an donc c'est bien pour se lancer, mais je sais pas si à long terme je vais rester dans les Pyrénées. Voilà, je découvre un peu la France pour voir aussi si j'ai envie de où j'ai envie d'habiter par exemple. Je suis aussi attiré par le Massif Central, mais je me laisse découvrir un peu mon pays et les pays à côté. Et donc toi, t'as 23 ans, t'es tout jeune, quoi. Hein. Ouais. Et comment ça a commencé, alors, toute cette histoire? Qu'est-ce que t'aurais à raconter sur tes 23 ans? T'as vécu dans ton patelin jusqu'à tes 23 ans, là? T'as voyagé un peu? Ou bien t'es vraiment, en gros, né là-bas et t'as vécu jusqu'à tes 23 ans là-bas, quoi? Alors moi, je suis né dans le Lot. Donc j'y ai vécu 2 ans. J'y suis retourné... pour les Noëls chez mon grand-père. Et Lot, ça se trouve où? Le Lot, c'est encore le sud-ouest, donc c'est à 250 km de chez moi, au nord. Après, je suis habité directement dans les Pyrénées, donc principalement, j'ai connu que mes montagnes, quoi. Voilà. Et par exemple, l'école et compagnie, comment ça s'est passé tout ça? C'est-à-dire? Ben comment, qu'est-ce que t'as, parce que 23 ans, j'imagine que t'as eu le temps quand même d'aller à l'école, de te dire, bah tiens, qu'est-ce que je ferais bien de ma vie, oui, quoi. Oui, oui. Alors oui, mon parcours professionnel, on va dire, donc j'ai fait un bac pro parce que je voulais pas faire d'études trop longtemps. Donc un bac pro aménagement paysager où on faisait, on apprenait en gros à travailler le jardin, quoi, on va dire, en quelque sorte. Ensuite, j'ai fait un an de formation adulte en maçonnerie paysagère. Et puis après, ça m'a pas trop plu de poursuivre dans cette voie-là, parce que les gens qui proposent, qui qui acceptent, enfin qui ont les sous, on va dire, pour créer des jardins, ils ont un truc défini dans leur tête. C'est souvent des jardins qui coûtent cher au début, mais qui n'ont pas besoin d'entretien. Donc c'est beaucoup des enrochements, des gabions, des piscines, un olivier au milieu du jardin. Enfin, j'avais fait un stage à Toulouse, donc de ce que j'ai vu, c'est les jardins se ressemblent un peu tous. Les gens n'ont pas la patience d'attendre que le gazon pousse, donc ils font des gazons en plaques. Ça veut dire ? C'est des gazons qu'on achète en rouleau et on pose ça sur un lit de sable avec un arrosage intégré et après le gazon on en profite instantanément. Donc ça me plaisait pas trop, donc comme j'aime bien le travail à l'extérieur et j'aime bien la nature, je pense que ma vie est faite pour travailler dans le maraîchage. C'est le retour aux sources comme j'appelle. Donc ce que je comprends bien, tu as un peu décroché de cette architecture de jardin parce que c'était un peu trop, comment dire, j'essaye de comprendre c'était un peu trop conventionnel, un peu trop tout fait, bien fait, c'est ça ? Il y a une possibilité de travailler dans le jardinage intéressante, mais c'est beaucoup d'années d'études dans le paysagisme. Et encore, le paysagisme, c'est très ouvert, hein, c'est beaucoup des milieux urbains. Et moi, je veux rester dans la nature, un endroit un peu isolé, loin des grosses villes, quoi. C'est pour ça que le maraîchage est ce qui me plairait le plus, quoi. C'est de faire pousser, d'être autosuffisant en alimentation et le modèle du woofing me plaît aussi beaucoup. J'ai fait quelques expériences de woofing où l'on travaille, en fait le woofing c'est travailler gratuitement chez un artisan ou souvent un maraîcher pour apprendre les connaissances, donc c'est un échange. Donc gratuitement, ce n'est pas de l'exploitation, hein, c'est un taux horaire de 5 heures par jour, mais souvent on compte pas parce que ça nous plaît ce qu'on fait, on apprend, on peut voyager aussi d'une autre façon que le tourisme conventionnel, en rencontrant des vraies personnes, le milieu. Et donc on peut spécialiser dans un type d'agriculture, il y a plein de types d'agriculture différentes, permaculture, sous serre, plein sol, en butte, il y a tellement de choses à apprendre sur ce milieu, et dans le woofing, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc c'est un petit peu ce déclic en ayant fait un peu de woofing. Le peu d'expérience de voyage que j'ai, c'est à peu près ça, quoi, qui m'ont poussé à me dire que c'est ça que je voulais, quoi. Je voyage, en vrai, je fais un gros voyage, mais au fond, je sais que je suis plutôt un sédentaire dans l'âme, et donc je profite de mon jeune âge, d'avoir un peu de sous pour me lancer, pour en fait, après, me poser sur du long terme, et plutôt accueillir les gens chez moi, plutôt que moi aller vers les gens. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un plutôt de très sociable, mais qui va pas forcément vers les gens, et qui du coup cette opportunité de voir plein de gens de toute la France ou même des pays étrangers venir chez moi pour voir comment ça se passe chez moi, c'est quelque chose qui est très enthousiasmant. C'est marrant parce que ça donne vraiment le gars qui est sorti de ça, de ces montagnes, quoi. Hein. Oui. Et quand tu dis oui, loin des villes, pas les villes, tu sais expliquer pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans les villes que tu n'aimes pas ou qui te mettent mal à l'aise ou je ne sais pas ? La proximité avec beaucoup de gens. Enfin, je suis peut-être un peu agoraphobe sur les bords. Donc j'aime bien le mélange, hein, c'est pas ça le souci, mais je trouve que les gens sont entassés dans des bars d'HLM, c'est un peu malsain, quoi. Après, en même temps, il y a tellement de gens sur Terre que si on vivait tous à la campagne, on aurait tous un tout petit lopin de terre, et c'est ça, moi je veux profiter de cette opportunité que les gens, ils ont besoin de leur confort. pour pouvoir acheter un terrain un peu cher dans un endroit un peu perdu. Donc ça pourrait être les Pyrénées ou le Massif central, plutôt perdu dans les montagnes. Comme ça, je sais que il se passera du temps avant qu'il puisse y avoir des intérêts financiers dans ces lieux-là. Parce que je vois souvent, il y a des agriculteurs, du jour au lendemain, il y a eu une zone commerciale qui s'est construite là. Donc ils se retrouvent encerclés par la ville. Et c'est ça que je veux éviter, c'est me retrouver pas en ermite, mais un peu quand même. Parce que la ville, ça respire pas, c'est du bitume, il n'y a pas assez d'arbres. Moi, ça me déprime, personnellement. Et c'est quoi ton expérience de la ville, alors ? Comment tu as rencontré la première fois la ville, quels sont tes souvenirs de la ville ? En tout cas, on a bien compris que c'était... t'es pas quelqu'un de la ville. J'ai visité Paris, je suis allé à Toulouse. Paris, il y a une très belle architecture. Mais il y a aussi beaucoup de misère humaine, des gens dans la rue. On va dire que quand à la campagne, quand il y a quelqu'un qui va pas bien, on le voit tout de suite, alors que dans la ville, c'est beaucoup l'indifférence. Donc c'est ça aussi qui je trouve navrant, mais en même temps, on peut pas s'arrêter sur chaque personne dans la rue, quoi. À moins de faire de l'humanitaire, on parle souvent des pays étrangers où il y a la misère, mais moi je la vois durant mon voyage, je vois dans les villes les gens, on se fait tout le temps alpaguer pour quelques sous, quoi. Un alpaguer ? Alpaguer, c'est interpeller. C'est peut-être un terme du sud, je sais pas, ou de France. Ah ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, hein. Ça, il faut être bien armé pour être en ville et côtoyer des gens qui sont dans la rue. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus, quoi. Ça augmente de plus en plus, des gens qui vivent dans la rue et qui demandent d'ailleurs de quoi vivre, une petite pièce ou quoi. Et toi, tu vois ça comment, en fait, ces gens qui vivent dans la rue ? Il y en a qui font ça par choix. Il y en a d'autres qui font ça, qui disent faire ça pour choix, mais que c'est un concours de circonstances qui font qu'ils se sont retrouvés là. Après, je connais pas leur vie, mais moi je trouve ça triste. Les gens traînent leur misère et ils ont rien qui les motive à part l'alcool. Voilà. Ouais. Oh, bah oui, il y a pas a priori aussi, hein. Oui, voilà. Et donc on va revenir vers ton voyage. Tu es parti depuis le mois de juin de tes montagnes. Tu te retrouves ici entre Namur et Dinan, quoi, Ivoire, c'est ça ? 1000 km de chez moi. Tu dis ? 1000 km de chez moi à vol d'oiseau. Ouais. Et tu peux expliquer alors qu'est-ce que c'est ? Tu l'as un petit peu expliqué, mais pourquoi ce voyage alors ? Puisque toi, au fond, tu as envie d'être un ermite, de vivre dans ta montagne, de tes terres et tout ça. Pourquoi ce voyage ? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, la première que j'ai évoquée, c'est le fait que j'ai envie d'être sédentaire. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît ? Il faut que j'essaye de voyager pour voir si en fait, j'ai pas plus envie de continuer le voyage. Mais là, je suis arrivé à la moitié du trajet et je me conforte un peu plus dans l'idée que il me faut un lopin de terre. Je suis fait pour rester... dans un même endroit, peut-être partir en vacances une fois dans l'année, mais au fond, quand on est attaché à un endroit, pourquoi s'en séparer, quoi ? Enfin, des fois, mes montagnes me manquent, quoi. Je trouve que le relief, il manque du relief, justement, c'est ça que j'aime bien chez moi, c'est le relief. Bon, après, sinon, donc, comme je disais, c'est que comme je vais m'installer sûrement en maraîchage, j'aurai peut-être pas le temps de voyager après, donc c'est le bon moment. Puis voilà, il y a peu de gens qui ont la chance à 23 ans d'avoir les sous nécessaires pour le faire, donc il faut que j'en profite, quoi. C'est un peu le moment ou jamais, donc voilà. Et puis voilà, après découvrir un peu mon pays, parce que c'est vrai que bon, là, actuellement, je suis en Belgique, mais c'est quand même un Tour de France à la base. Donc c'est vrai que la France, je crois que c'est le pays le plus touristique au monde. Donc voilà, je me suis fixé quelques endroits emblématiques à visiter, comme les falaises d'Étretat, le Mont Saint-Michel. Voilà, toutes ces choses très très très très connues, très touristiques. Bon, au final, je suis arrivé dans ces zones-là. Comme le Mont Saint-Michel, je trouvais que limite c'était trop touristique. Je suis en train de repenser à des choses comme quoi. En fait, il y aura plus que bientôt plus que soit des villes, soit des zones agricoles. Et après, les endroits qui resteront seront des endroits qui seront faits pour le tourisme. Et ça aussi, ça me navre un peu de voir cette concentration de touristes à des endroits, bah, certes magnifiques, mais du coup, qui perdent un petit peu de leur charme parce que c'était des endroits avant qui étaient sacrés, quoi. Et là, c'est le temple de la consommation, en quelque sorte. Donc voilà. Après, bon, il y a sûrement d'autres raisons à ça. Je sais pas trop, peut-être me confronter un peu aux gens, mais finalement je me suis rendu compte que ça me gênait pas de passer 3 jours sans parler à personne, donc au final on se change pas soi-même, malgré même en se confrontant aux choses, voilà. Oui, c'est super intéressant ce regard, parce que ça donne vraiment l'impression que t'as vraiment un regard comme ça, c'est assez beau. Tu pars à vélo aussi, hein, t'as fait 1000 bornes à vélo, quoi. Hein. Là, j'en suis à 2500, quasiment. Je pense que j'avais estimé le Tour de France en 5000 km. Bon, chaque jour, je fais quelques détours, soit parce que je me perds, soit volontairement. Donc, je pense que je vais arriver chez moi vers 6000 km. À vélo, quoi. Donc, c'est assez génial. Tu te barres de ta petite montagne pour aller visiter un peu le monde, quoi. Oui, parce que en fait, je vis en camion, à moitié chez mes parents, et je fais des saisons, donc je vis en camion. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas un Tour de France en camion ? Et finalement, je me suis dit que le camion, c'était bon pour les retraités, camping-car, tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de faire un truc en vélo, parce qu'à pied, ça m'aurait pris 2 ans. Donc en vélo, c'est un bon compromis entre la vitesse, le fait de vraiment avoir toutes les opportunités de voir tous les paysages, de rien louper, de ne pas être trop concentré sur la route. Puis en même temps aussi en vélo, on peut essayer de se vider la tête un peu moins qu'à pied. C'est vrai, ça marche un peu moins qu'à pied. On est quand même un peu plus concentré sur la route. Mais des fois je rentre dans mes pensées, je me vide la tête, je réfléchis un peu à tout ce qui m'entoure. Donc le vélo, ouais, c'est le meilleur outil, je pense. À part le fait qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes techniques et qu'à pied, ben, le seul problème, ce serait les jambes, quoi. Mais sinon, à part ça, ouais, le vélo, c'est un bon outil. Oui, donc tu te barres de ta montagne, tu te barres à vélo et tu vas découvrir les alentours et même plus loin, quoi. Et c'est assez joli ce regard que tu as, parce que tu viens de ta montagne, quoi, en gros. c'est super marrant, en 2017, tu vois, dans la société moderne et tout, ta vie est très... allez, c'est marrant d'avoir ta vision comme ça, justement, des villes, de ce milieu agricole que tu expliques, et puis après de ce milieu alors de consommation aussi. c'est vraiment, tu as un regard comme ça, très tranché aussi, du coup, puisque tu quittes ta montagne, que tu connais bien, à laquelle tu es attaché d'ailleurs. Et tu vas découvrir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, au-delà de tout ce qu'on peut raconter aussi sur Internet et les médias et tout ça. Mais je suis quelqu'un, au fond, de très révolté, d'un petit peu anti-système. Mais en même temps, il faut quand même voyager pour voir un peu la vérité, même si ce n'est pas toute la vérité, et je me censure un peu. Mais... voilà, j'ai besoin de voir aussi un petit peu comment ça se passe ailleurs que chez moi, comment l'homme il a aménagé son environnement, parce que c'est sûr que les montagnes, c'est un endroit assez limité, quoi. On peut pas construire quand c'est trop en pente, on peut pas faire de champs quand c'est trop en pente, et là au moins je vois un petit peu le paysage français. Je suis passé par des endroits où pendant plus de 100 km il y avait que des champs, et souvent pour dormir en camping sauvage, j'ai galéré. Je me suis retrouvé à 10h du soir, enfin peut-être pas, mais 8h30, à pas savoir où je vais dormir, parce qu'il y a des champs partout, et c'est que de la monoculture, c'est des paysages assez navrants. Et là au moins je vois ce que c'est aussi. Il y a pas que des beaux endroits en France, hein. Il y a aussi des paysages assez monotones au final. Et quoi, tu pouvais pas dormir dans les champs? Ben dans les champs, labourés avec du relief, c'est un peu compliqué. D'autant que j'avais tout misé sur dormir dans un hamac. Donc il me fallait des arbres. Donc quand il y a pas de bosquet, c'est compliqué. Et finalement, bon, je me suis acheté une tente. C'est aussi ça le voyage, c'est les imprévus. Je suis quelqu'un de très organisé, de très prévoyant. Et ça me casse un peu ma routine. Donc je pense que je serai très content de ces expériences plus tard. Ça sert à ça, le voyage. Excellent. Et alors, tu disais aussi, et ça m'étonnait un peu, mais en même temps, complètement, c'est-à-dire que ben, tu es tout seul, tu voyages avec ton vélo, tu as tes petits bagages derrière, tu rencontres pas forcément les autres, les gens. Tu peux rester 3 jours sans causer, quoi. Quand quelqu'un m'aborde la parole, c'est avec plaisir que je parle à cette personne, mais je vais pas entamer la conversation. Je suis un vrai montagnard. Mais quoi, en règle générale, par exemple, les warm showers, c'est quand même rencontrer les gens dans leur maison, quoi. Hein. Tu causes avec eux, j'imagine. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ces expériences? Mais là, c'est une opportunité. On sait que les gens sont prêts au dialogue. Et voilà, c'est aussi un petit peu la peur de l'échec, d'aller vers quelqu'un et se prendre un vent. Bon, ben. Moi, je suis très prudent, je prends aucun risque, même si je me coupe des fois d'expériences supplémentaires. Ben, ça m'est égal, je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire. J'ai passé mon enfance dans les montagnes, aller marcher et tout seul. Ben, c'est vrai que je me suis tenté à partir avec des amis. Ces amis-là qui n'avaient peut-être pas le temps ou les moyens pour me suivre. Donc finalement, je suis parti tout seul. Puis je me suis dit que c'était pas plus mal. En partant, je me suis dit que c'était pas plus mal de partir tout seul, parce que c'était une expérience unique. Bon, finalement, des fois, je me dis, bon, ça aurait été bien que je parte avec quelqu'un d'autre. Mais bon, maintenant, je suis à la moitié, donc je vais pas laisser tomber. Mais quoi, t'as fait des rencontres un peu extra que t'aurais envie de raconter ? Qui sortent un peu de l'ordinaire, ou alors pas vraiment, hein, comme ça on a une expérience de quelqu'un qui se barre de chez lui à 1000 km d'ici là maintenant. Est-ce que tu as fait une chouette rencontre ou deux, ou alors des rencontres un peu particulières, ou même des rencontres qui ne se sont pas bien passées? Non, pas de rencontre qui se soit mal passée. Bon, j'ai rencontré quand même pas mal de gens. Il y a des gens qui viennent me parler spontanément, des vélos ou des gens qui disent « Oh, t'as fait combien de kilomètres aujourd'hui ?» Donc ça, c'est... Voilà. Comme je dis, quand les gens viennent me parler, moi, je mets des vents à personne. C'est avec plaisir. Sinon, des rencontres, il y avait quand même des points, des étapes qui étaient prévues sur mon voyage. Donc il y avait une ville qui s'appelle Mimizan, qui se trouve entre Bayonne et l'estuaire de la Gironde, sud-ouest de la France. Donc là, je suis passé 10 jours en woofing, donc j'ai travaillé contre un peu d'amour, quoi. Et voilà. Après, je me suis arrêté entre Vannes et Lorient, dans un petit village qui s'appelle Plouinec, chez une amie, où pareil, j'ai travaillé un petit peu contre un logement, et j'ai passé du bon moment avec cette petite famille. Après, je me suis arrêté à Lille, chez une amie que justement j'avais rencontrée en woofing, donc je ne la connaissais pas avant mon voyage, et c'est elle qui m'a dit « Oh, j'habite à Lille ». Donc en fait, à Mimizan, il y a des gens partout de France, même des étrangers. Il y avait par exemple une Australienne. Moi, je parle pas anglais, donc c'était compliqué d'entamer un dialogue. Du coup, voilà, ça m'a permis de revoir cette fille que j'avais croisée à Mimizan à l'autre bout de la France, quoi. C'est assez incroyable. Et là, les prochaines étapes, il y aura Strasbourg, où il y avait une fille que j'avais rencontrée à Mimizan, mais de l'année dernière, quand j'avais fait, j'y étais allé en février. Donc il m'avait dit, si tu passes à Strasbourg, on verra si elle n'est pas en vacances. J'irai sûrement passer un ou deux jours chez elle. Et après, j'ai un ami qui habite à Nice, qui va venir me rejoindre. Je passe pas par Nice, mais lui, il est prêt à faire quelques kilomètres pour venir me voir. Donc bon, finalement, il y a quand même des points stratégiques un peu partout en France où ça me fait un petit peu des bouffées d'air, on va dire. Parce que c'est vrai que tout seul, tout le temps, je veux dire, même une conversation, même si ça dure une heure, c'est pas assez, quoi. Il y a un moment où on a besoin de construire un vrai dialogue avec quelqu'un pendant une soirée. C'est ça qui est primordial. Et c'est vrai que quand on est sur la route, on se dit qu'on n'a pas le temps de faire vraiment connaissance avec la personne. Donc c'est aussi ça, c'est pour ça que je vais pas forcément vers les gens, parce que je sais pas ce que ça va m'apporter d'aller discuter une demi-heure avec la personne si le soir je sais pas où je vais dormir, par exemple. Même si c'est toujours intéressant de croiser des gens et des regards, et voilà. Donc Tom, 23 ans, qui quitte sa montagne et qui est en voyage, à la découverte du monde. C'est juste si je dis ça ? À la découverte du monde, des gens, des autres, de l'autre. Qu'est-ce que tu cherches au fond ? C'est ça, hein ? Ouais, c'est pas vraiment des gens, en fait. C'est plus des paysages. Les gens, c'était un objectif que j'ai pas tenu, parce que finalement j'ai pas essayé de pousser plus que ça, d'aller vers les gens. Si, quand même, on se rencontre, je veux dire, quand on part à l'aventure comme ça, j'imagine qu'on rencontre pas tous les jours des gens, c'est de temps en temps qu'il y ait des gens. Oui, ben justement, le warm shower, c'est ça qui est bien. Je sais pas si j'aurais pu tenir jusque là sans cette application, sans ces rencontres. Parce que, ouais, vraiment, ça, comme je disais, ça fait une vraie bouffée d'air de... Mais là, c'est pas compliqué, c'est pas un gros engagement, puisque c'est des gens qui sont prêts à héberger et qui sont prêts à recevoir des gens. La plupart des gens en warm shower, justement, c'est des gens qui voyagent pas et qui veulent voyager par le biais d'autres voyageurs. Ou c'est des gens qui voyagent aussi, ça, c'est des échanges d'expériences de voyage. Même si moi j'ai peut-être pas une grosse expérience dans ce domaine, et je pense pas en avoir une grosse dans ma vie, parce que je suis pas forcément attiré par le monde, par les pays étrangers. Moi, la France me convient tout à fait. Le pays, en tout cas, le climat, les paysages. Enfin, certains paysages comme les montagnes me plaisent beaucoup. La mer un peu moins. C'est un peu bête. Maintenant que j'ai longé toute la côte, ben maintenant je sais que pour partir en vacances une semaine ça va, mais je pourrais pas y vivre sur la mer. C'est venteux, pluvieux. Je préfère le même climat, mais avec un peu plus de verdure, de pas avoir une ligne d'horizon, de voir que la mer. Les montagnes, ça donne une opportunité d'aller plus haut et de voir en 360 degrés les paysages tout autour. C'est un défi permanent, la montagne. Ouais, c'est dingue, parce que t'as 23 ans, mais t'es un vrai montagnard, quoi. Hein. C'est tes montagnes, tu jurerais que par tes montagnes. Hein. Je sais pas combien de fois t'as prononcé le mot montagne, mais t'es un vrai montagnard, quoi. Ouais. Ben, vrai montagnard, je fais pas de l'alpinisme, je fais de la montagne d'été. Parce que l'hiver, je suis un peu comme une marmotte, mon rythme ralentit, donc je suis pas trop attiré par le ski. Pour moi, c'est encore de la consommation. Pour moi, c'est juste une bonne paire de chaussures. Aller se baigner en août dans des lacs à 18 degrés, ça c'est le pied pour moi. C'est quand c'est accessible, les montagnes, j'y vais. Quand la nature ne veut pas que j'y aille parce que c'est trop dangereux, il y a de la neige, bah, j'y vais pas. Et voilà, je suis le rythme des saisons et c'est comme ça que j'ai envie de vivre. C'est pour ça que j'ai envie de faire du maraîchage, parce que en été, il y a beaucoup de boulot, au printemps aussi, en automne aussi, en hiver un peu moins. Et donc c'est vraiment suivre le rythme, parce qu'on est trop décalqué, on travaille, on se lève quand il fait nuit, on va se coucher quand il fait nuit, alors que pour moi, ce serait en été, ouais, travailler 12 heures, c'est pas un problème. Mais en hiver, c'est 8 heures maxi, quoi. Mmh. Et 8 heures, c'est pas du temps de travail, c'est du temps de vie, quoi. Donc, ce serait en gros, pour moi, je pourrais travailler 4-5 heures en hiver et 12 en été, s'il fait pas trop chaud aussi. Mmh. C'est pareil. La chaleur, ça casse un peu. Et il y a 2-3 semaines, quand il fait 40 degrés, ben, vaut mieux aller se baigner qu'aller travailler. Et maintenant, je ne sais pas si tu es d'accord d'en parler, parce que ça peut te mettre mal à l'aise, mais tu disais aussi que dans ton patelin de 300-500 personnes, il y avait aussi pas mal de FN, de vote FN, Front National. Dans mon village, je ne pense pas trop. Enfin, moi, j'ai eu les résultats, ils ont voté à gauche, principalement. Après, ce que je disais avant qu'on commence l'interview, c'est que effectivement, dans les villages en France, ça vote plus FN que dans les villes. Et pourtant, c'est des gens qui voient moins d'étrangers. Mais en fait, c'est des gens qui voyagent pas trop. C'est pour ça aussi que je me force un peu à voyager, parce que il faut pas avoir une idée reçue d'après ce que disent les gens ou les médias. Il faut faire sa propre expérience, son propre avis. C'est pour ça que je disais que les gens votent autant Front National, parce que ils ont peur, en fait. On les tient par la peur, mais partout les gens sont tenus par la peur. Mais pourquoi tu dis ça? Tu as vu ça dans les autres villages que ça votait Front National? Oh non, mais ça c'est des statistiques. Ah oui, mais alors moi aussi je suis au courant, il paraît que... Non, mais c'est vrai, en majorité, dans les campagnes, ça vote plus Front National. Mais après, voilà, comme je dis, chez moi, je connais des gens qui votent FN, mais je les connais pas tous, parce que souvent c'est un vote assez secret. Ouais. Il y a peu de gens qui scandent haut et fort qui votent Front National. Mais je pense que ouais, c'est plus marqué à la campagne. Mais il y a beaucoup d'idées reçues aussi, hein, comme quoi apparemment ce serait les vieux qui votent FN. Apparemment, beaucoup, beaucoup de jeunes votent FN. Donc ça, c'est un truc qui me choque un peu, parce que encore les vieux, ils regardent que la télé, ils n'ont pas Internet. Et je me dis, les jeunes, ils ont moyen de plus faire des recherches plus personnalisées, d'un peu aller fouiller un peu partout. Et finalement, au final, il paraît qu'ils votent plus que les vieux. Ouais, mais il paraît... Moi, je croyais que tu avais vécu la chose, c'est-à-dire que dans certains bleds où tu te promènes, où tu t'es promené, bah, tu as bien vu qu'il y avait vraiment... du vote Front National, que les étrangers n'étaient pas les bienvenus ou des choses comme ça, parce que tu sais, les statistiques, bah oui, évidemment. Je ne sais pas qui vote FN, mais après, on entend parler les gens, on voit bien les gens qui sont pas très ouverts parce que couleur de peau ou culture différente, le halal, tout ça. Voilà, après, il n'y a pas besoin forcément d'aller demander aux gens est-ce que vous votez FN, ça se sent un peu, quoi. Et toi, Tu votes FN, toi? Pas encore? Si je me plains... Plus maintenant? Si je me plains de ces gens-là, c'est que non, je ne vote pas FN. Mais je ne veux pas non plus dire à qui je vote. Mais, et par exemple, ta famille, c'est vrai qu'on en a très peu parlé, mais ton père, ta mère, ça va? Parce que quelque part, c'est aussi eux qui t'ont transmis un peu la montagne, ou je me trompe? Mon père, ouais, on a fait des bivouacs assez jeunes. J'ai fait mon premier bivouac à 9 ans. Donc bivouac, c'est on va dormir une nuit en montagne, on marche une journée, on se fait 1000 mètres de dénivelé, on passe la nuit, on se fait un petit feu, et le lendemain on repart, on laisse tout propre, et on repart le matin. Ma mère est pas trop montagne, elle trouve que la neige est belle, mais elle aime de loin, quoi. Mais elle veut pas, elle vient de la mer, donc elle voudrait vivre ses vieux jours à la mer. Voilà. Et tu sais, tu connais un peu l'histoire de ta famille avec les montagnes, ou l'histoire de la montagne dans le temps, comme ça, où t'aurais bouquiné un peu pour savoir qu'est-ce que ça raconte, cette montagne, avant? Mon père est pas non plus de la montagne, donc non, vraiment, moi ça me plaît, la montagne, parce que moi je pense surtout aux maquisards, aux résistants, quoi. Je sais que dans les Pyrénées, il y avait un lieu de passage où on faisait passer les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc cette idée de résistance, c'est vrai que ça me plaisait beaucoup quand j'étais gamin, je faisais des cabanes et tout. Je m'imaginais vivre sur un terrain, squatter un terrain en fait, et faire pousser des trucs. Et voilà, bon, je veux que ce soit quand même dans les normes, mais c'est vrai que cette idée-là, que je sois un peu loin de tout ce grabuge, du bruit, de la société, tout ça, c'est ça qui me plaît un peu, c'est cette idée de pouvoir s'isoler à l'horizontale, mais aussi à la verticale, d'être loin de tout. Que les gens qui viennent jusqu'à moi, c'est les gens qui l'ont mérité, qui ont envie de venir voir comment ça se passe. Et si possible, même un endroit où ce soit pas forcément hyper accessible, en bagnole. Que vraiment, il faut que les gens aient envie de venir jusqu'à chez moi. Donc t'as pas peur d'être seul, parce que tu te rends bien compte que c'est la solitude du coup aussi alors. Ouais. Ben, j'aime beaucoup l'esprit trappeur du Canada, même s'il y a beaucoup de zones très plates. Mais j'aime beaucoup l'idée de, pendant 6 mois, on peut aller à la ville, et pendant 6 mois, il neige et on est isolé, on est obligé de s'autosuffire et d'être un survivaliste, quoi. J'aime beaucoup la mouvance survivaliste. Et t'as déjà entendu parler de Jack London, quand même? Non. Non? Un écrivain comme ça, qui a écrit plein d'aventures, qui a une histoire. Je lis pas beaucoup. Ah ouais. Tu quoi? Tu écoutes la musique? Tu quoi? Non, t'es dans ta tête et c'est bon? Beaucoup dans ma tête. Moi aussi, j'aime beaucoup la musique. J'aime la musique. Je lis un peu, mais c'est vrai que je suis pas trop intellectuel, quoi. Je me fais mon propre avis à chaque fois. J'essaye de pas trop, justement, si je suis un peu en retrait, c'est pour me faire mon propre avis, pour pas me laisser influencer, que ce soit la politique, les amis, la famille, tout ça. Mais il faut déjà, pour faire son propre avis, il faut déjà un avis, t'es d'accord avec moi? Oui. Donc tu dois, enfin voilà, moi ce que je trouve intéressant dans le fait de lire, c'est que t'as un autre avis que toi. Dans le fait de lire, et du coup après tu peux te faire ton propre avis si ça résonne en toi ce que tu lis, ou bien non, si t'es pas du tout d'accord, quoi. Je préfère raconter les histoires plutôt que écouter celles des autres. C'est un peu égoïste, mais c'est mon état d'esprit, quoi. J'adore raconter ma vie, mais j'aime bien écouter celles des autres aussi, mais je vais pas forcément en tirer un enseignement. Incroyable, ça. Tu vas pas forcément en tirer un enseignement de l'autre, ce qu'il dit, ce qu'il fait. S'il est déjà en accord avec moi, oui. Mais il est dur que je change d'avis, c'est vrai. Bah oui, mais en tout cas, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est parce qu'il y a un autre que toi, tu vois, qui a un avis différent ou qui a des idées différentes, que tu peux, toi aussi, du coup, bien te positionner. Parce que sinon, ben, alors t'es toujours dans ta tête avec tes mêmes idées, tes mêmes... Tu comprends ce que je veux dire? C'est aussi intéressant, et même pas forcément de rencontrer quelqu'un, mais de lire un livre qui vous raconte autre chose. Ou sinon, tu n'as pas l'impression que ça tourne en boucle, quoi. Ça tourne en rond. Non, parce que j'arrive souvent à changer d'avis. Parce que je me dis, ah ben non, je me suis trompé. Mais par moi-même, c'est... oui, je me fais... C'est vrai que mes avis... c'est un peu comme les rêves, c'est une construction d'après ce que j'ai vu autour de moi. Mais c'est assez compliqué à expliquer. Je ne saurais pas trop comment dire. Et est-ce que tu verrais est-ce que tu verrais quelque chose à dire d'important que tu n'as pas dit et que je ne t'ai pas aidé à te poser comme question? Est-ce que tu aurais quelque chose de fondamental à dire là dans le micro pour les gens qui vont entendre? Parce qu'il y a quand même des gens qui vont entendre ce que tu vas dire. Hein. Bah moi-même, non, mais il faut que les gens sachent se remettre en question, que ce soit par le biais de d'autres personnes ou même soi-même. Enfin, c'est ce que je fais tous les jours, me remettre en question moi-même. Pas besoin d'écouter d'autres gens parce que j'ai peur un peu de l'effet de groupe et j'ai vu dans le passé ce que ça pouvait donner, l'effet de groupe, pourquoi un groupe se met à tyranniser une personne gratuitement. Et c'est un petit peu aussi pour ça que je prends beaucoup de recul sur les gens. Je dis pas que l'humain est fondamentalement mauvais, mais voilà, il faut savoir se remettre en question dans la vie, se dire pourquoi je fais ça, quel est mon but dans la vie, à quoi ça sert la vie, toutes ces questions philosophiques et fondamentales qui régissent l'humanité et l'univers. Oui, mais c'est super ce que tu dis. Oui, t'as pas envie de suivre un groupe qui pourrait avoir des idées négatives ou ça, je comprends bien. Mais moi, ce que j'avais envie de partager avec toi, c'était aussi l'idée que le groupe ou bien une personne peuvent aussi t'amener des choses grandioses, quoi. Tu vois, ça peut être aussi il y a le revers de la médaille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, mais en même temps, t'as ton avis, t'as tes idées, il y a pas de problème. Mais c'est aussi intéressant, je trouve, de se confronter, quoi. Voilà, comme tu fais là en ce moment, de te casser à vélo, d'aller comme ça, c'est super, en fait. Mmh. Que dire de plus? Donc là, tu tournes pas en rond. Non. Mais non, mais moi, je te souhaite de pas rester. Ou alors, je viendrai te voir, quoi. De pas rester enfermé dans ta montagne, avec quoi. Plaisir. Mais moi, justement, je suis dans l'attente que les gens viennent vers moi, parce que moi, je suis quelqu'un de peace. Donc, je sais que moi, je foutrai jamais un vent à quelqu'un. Je casserai jamais. Je l'ai fait, hein. Mais j'ai pas envie d'être haineux et le problème c'est que je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, qui sont pas forcément méchants mais qui sont juste un peu renfermés, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que non seulement ils vont pas vers les gens, mais en plus si les gens viennent vers eux, ils croient que c'est pour qu'ils attendent quelque chose. Et c'est vrai que dans la ville, c'est vrai que souvent les gens justement ils ont peur quand quelqu'un vient les interpeller, parce qu'ils se disent que c'est pour des sous, ou c'est parce qu'ils ont une idée derrière la tête, ou c'est des fous, ou je sais pas quoi. Et donc moi aussi c'est pour ça que je vais pas vers les gens, mais quand quelqu'un vient vers moi, j'écoute d'abord ce qu'il a à dire avant de le clasher et lui dire non, ça m'intéresse pas. Même il pourrait y avoir des témoins de Jéhovah qui viendraient chez moi, je serais pas d'accord avec eux, mais je sais pas, je leur paierais quand même un petit café et puis je leur dirais bon ben je pense que vous vous trompez, mais bonne chance. Bon ben super, merci Thomas et bonne continuation, bonne route, hein. Bien, merci pour l'accueil. Surtout qu'il t'arrive des belles choses, quoi, c'est surtout ça. Oh ben pour l'instant, pas trop à me plaindre. Et puis de toute façon, le peu de soucis que j'ai eu, c'était des soucis climatiques. Donc on va dire que les gens globalement ont été accueillants et chaleureux avec moi et j'en attendais pas moins.